Chapitre 10. Monsieur Sabin et sa noble famille, un festin de sardanapale. Il se peut, mes petits lecteurs, que vous soyez surpris de voir mes amis cheminer en compagnie de ce mauvais sujet, dont ils connaissaient maintenant le nom, et qu'ils appelaient Monsieur Sabin, gros comme le bras. C'est que Monsieur Sabin était un habile homme pour son âge. Comme il avait toute porte à le croire des secrètes raisons pour redouter les gendarmes, les gardes champêtres, les messiers, enfin, tout ce qui portait un sabre ou un tricorne, la compagnie de ses deux enfants, qui avaient l'air si candides, s'était tout de suite présentée à son esprit comme une sorte de protection. Il avait bien dans son sac un certificat où il était expliqué que lui, Sabin, s'en allait à Fontainebleau pour rejoindre ses parents. Mais deux sûretés valent mieux qu'une, et il se promettait d'ajouter sur le papier en question qu'il voyageait avec son frère et sa sœur. Les choses étant ainsi arrangées, il lui semblait impossible d'être inquiété à l'avenir. Il se disait qu'il pourrait voyager au grand jour et sur les grands chemins, au lieu de se cacher comme il avait fait depuis le commencement de la semaine. Il faut dire aussi qu'il avait guigné les coins du mouchoir de César, éflairé quelque aubaine par là. Il entreprit alors de faire la cour à mes amis, lesquels malheureusement n'étaient que trop faciles à séduire. On cheminait donc de compagnie, Sabin racontait des histoires de sa composition, et César et Aimé croyant tout cela comme parole d'évangile. Tout à coup, Sabin se mit à se frotter le ventre et à faire toutes sortes de grimaces. « Pristi, s'écria-t-il, que j'ai faim !»« Il n'y a rien de tel pour vous creuser l'estomac que de respirer l'air vif du matin, après avoir soupé la veille de pommes de terre cuites sous la cendre. »« C'est pas pour dire, mais si j'étais dans ma respectable famille, il régnerait sur ma table une abondance, qui me fait joliment faute pour le moment. » « Vous avez donc une famille ?» demanda naïvement Aimé. « Bon, eh bien, pour qui donc me prends-tu ? Où demeurent-ils vos parents ?» fit César à son tour. « Je crois, petit sauvage, il les appelait ainsi par amitié, répondit Sabin, que vous vous permettez de me questionner. C'est hardi de votre part et inconvenant au possible. Ignorez-vous donc que les inférieurs sont tenus d'attendre pour parler, que leur supérieur ait daigné leur adresser la parole ? Or, je suis votre supérieur par l'âge, l'expérience et l'éducation. Mais je veux être bon prince et vous répondre comme si c'était conforme aux usages. » Ici, le jeune garçon fit une pause assez longue pendant laquelle il alluma sa pipe avec une sorte de suffisance. Sabin fumait toujours, même en parlant. Puis il raconta l'histoire que voici. « Mon père, jeune sauvage, demeure partout, partout où il y a des grands chemins. Il s'est construit lui-même pour son usage et celui de sa famille un palais qu'il fait, selon sa fantaisie, transporter du nord au sud, de l'est à l'ouest ou dans toute autre direction qu'il lui plaît. Oui, petit, un palais roulant. Vous n'avez jamais vu cela, vous autres. Un manoir qui nous conduit, nous et notre fortune, d'une ville dans une autre, au gré de notre caprice. À la sécurité du colimaçon qui peut rentrer dans sa coquille à la moindre alerte, nous joignons la liberté des oiseaux que vous voyez voltiger d'arbre en arbre et de buisson en buisson. Aussi comme les hirondelles, qui les mauvais jours venus s'en vont chercher fortune en des climats plus doux, nous émigrons sans cesse d'un pays pauvre ou épuisé dans un autre, où nous savons trouver la vie facile et abondante. Nous sommes comme ces pasteurs orientaux dont on raconte de si belles histoires. Nous plantons notre tente, et faisons paître nos troupeaux là où les pâturages nous semblent plus verts et plus tendres. Vous comprenez bien, les petits, que c'est une manière de parler, car notre tente est un château, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, et en fait, de troupeaux, nous ne possédons qu'un pauvre vieux cheval, qui a usé sa jeunesse au service de son ingrate patrie. » Ici, le jeune garçon s'interrompit pour proposer à nos amis de déjeuner au village de Ris, dont on approchait. Ils acceptèrent sans difficulté aucune. Sabin avait le don de les charmer. « Et votre cheval ?» fit Aimé. « Fidèle, voici. À l'âge réglementaire, on l'a rayé brutalement des cadres de l'armée et mis hors de service, sans lui faire un centime de pension. C'est d'une petitesse, crasseuse, n'est-ce pas ? Heureusement qu'un monsieur retiré du commerce de la passementerie, avec des rentes par-dessus la tête, eut l'idée de l'acheter pour lui faire un sort et pour l'atteler à une demi-fortune. » À la mort de cet homme généreux, Fidèle passa aux mains d'un huissier de province et de chute en chute tomba jusqu'à celle d'un chaudronnier ambulant. C'est de ce dernier que mon père le tient. Pauvre vieux cheval, je ne lui connais que deux défauts. Mais là, deux vrais défauts, deux défauts tels qu'on pourrait les appeler des vices. Est-ce qu'il mord ? Demanda Aimé. Lui ? Oh non, par exemple. Et avec quoi mordrait-il ? Il n'a plus de dents. Non, oh non, il ne mord pas. Je ne veux point le calomnier. Lesquels alors ? Son grand âge d'abord, puis un appétit qui revient tous les jours avec une régularité désespérante. On a beau le nourrir copieusement la veille, il a encore faim le lendemain. C'est un guignon. On dirait qu'il ne vit que pour manger. Les maîtres qui l'ont laissé contracter cette mauvaise habitude ont manqué de prévoyance et se sont rendus bien coupables envers lui. Mais n'importe, si nous ne lui donnons pas tous les jours autant d'avoine qu'il en pourrait souhaiter, les bons traitements ne lui font pas défaut, et il est dans la famille sur un pied d'intimité fort enviable. À dire vrai, mes petits lecteurs, nos amis ne comprenaient pas toujours ce beau langage, et profitaient de toutes les interruptions pour amener le narrateur au fait. Quel est donc, demanda César, le métier que fait votre père ? Un métier mal appris ? Sachez, jeune sauvage, que mon père exerce une profession libérale. Voué par une vocation impérieuse au culte des arts et des lettres, il s'est donné pour mission d'éclairer les peuples en les initiant aux beautés de la littérature dramatique. Mais ceci est tout à fait au-dessus de la portée de votre intelligence et ne vous intéressera pas. Si fait, fit César, vous voulez dire que votre père est comédien ? Bravo, tu n'es pas si bête qu'on pourrait le croire. Apprends donc alors que dans son palais portatif, il a réuni tout ce qui est nécessaire pour établir en quelques instants un théâtre bien conditionné. D'un autre côté, il possède une troupe d'acteurs. Oh, mais d'acteurs, il faut voir ça, mon cher. À la vérité, une bonne part de leur succès revient à mon père et à ceux d'entre nous qui leur donnent la voix et le mouvement, car ce ne sont que des marionnettes, et des marionnettes si bien douées qu'elles fussent ne sauraient parler ni se mouvoir d'elles-mêmes, vous pensez bien. Oh, je sais, dit Aimé, je connais l'homme qui fait parler celle du théâtre de Guignol au Luxembourg. Oui, da, mais ce n'est pas du tout la même chose, ma belle. Guignol est un théâtre pour les enfants, et sur lequel on ne joue que des niaiseries, tandis que notre théâtre à nous est d'un genre sérieux et tout à fait relevé. Nous représentons des tragédies, des drames et des comédies, pour de vrai, en deux actes, en trois actes, en six actes, en douze actes, en autant d'actes que nous jugeons à propos. Enfin, tantôt c'est la jeune et innocente Esther chez le farouche sultan Ahasuérus de M. Molière, un bon celui-là, tantôt le Ruy Blas de M. Corneille, encore un bon ma petite, ou bien les amours de l'infortuné Didier et de la malheureuse Marion Delorme, par M. Racine. On ne joue que ça aux Français. Mon père a refait ses pièces à l'usage de ses acteurs et de son public. Il en a supprimé tous les personnages dont les rôles ne sont pas indispensables, puis les tirades, les longueurs, enfin tout ce qui est ennuyeux ou peu intéressant. Je vous prie de croire que ce n'était pas là une besogne d'écolier, et que pour l'accomplir il ne fallait pas être un idiot. Par exemple, il tient à ce que son nom soit sur l'affiche à côté de celui de ces messieurs. Ainsi, nous mettons la jeune et belle Esther, etc., de M. Racine, revue et corrigée par M. Dussault. C'est justice, n'est-ce pas ? Depuis un moment, Sabin parlait tout seul, faisant les questions et les réponses à sa fantaisie. Nos amis étaient trop illettrés pour lui tenir tête sur un pareil sujet, mais ils devinaient qu'il s'agissait de choses d'une grande importance et se gardaient bien d'interrompre. Mais, continua le jeune Sabin, nous avons encore d'autres cordes à notre arc. Dans les contrées où les populations ne sont pas assez éclairées pour prendre du plaisir à voir représenter ces chefs-d'œuvre, nous donnons un autre genre de spectacle. Mes frères aînés sont athlètes. Athlètes ? Demanda Aimé. Qu'est-ce que cela ? Athlètes, petite sauvage, cela signifie habile dans les exercices du corps. Les athlètes sautent, font des tours de force et enlèvent à bras tendus, ou bien avec leurs dents des poids, qu'un homme ordinaire ne saurait changer de place, même avec l'aide de tous ses membres. Voilà ce que c'est que des athlètes. Et vous ? Moi, je suis jongleur et équilibriste. C'est cela un art. À la bonne heure, donnez-moi seulement une douzaine d'oranges et un bilboquet et je vous en ferai voir. J'aurais déjà débuté si j'avais voulu au cirque Napoléon, mais il est trop finaud, le directeur. Il voulait lésiner avec moi et marchander sur les appointements, donner d'une main et reprendre de l'autre. Ah non, par exemple, non. Avec les artistes, il faut faire les choses carrément. C'est tant, voilà. Maintenant, s'il en veut, il en demandera. Mon intention à moi est de lui tenir la dragée haute. Combien donc en avez-vous de frères ? 5. 3 grands et 2 petits. 2 petits, pas plus haut que ça. L'un a 7 ans et l'autre 5. Et drôle. Il faut les voir tourner autour du théâtre sur leurs jambes et leurs bras tendus comme les ailes d'un moulin. Mais le plus magnifique, c'est lorsqu'à nous 7, nous formons grimper les uns sur les autres une pyramide, dont mon père est la base et mon plus jeune frère le sommet. Enfin, j'ai une sœur, Ah, voilà petit, une femme. Elle renverse un homme d'un seul coup de poing et fait des armes comme un professeur d'escrime. Elle fait aussi des exercices de haute voltige sur le dos de Fidèle et danse sur la corde avec la grâce d'une déesse. Enfin, c'est une fille charmante. Aussi, nous n'épargnons rien pour sa toilette. L'or, le velours et la soie lui sont prodigués. À la ville, elle porte des robes longues, de ça, et des falbalas, comme une princesse. C'est à qui parmi nous la gâtera le plus. Ce portrait d'une personne remarquable à tant de titres faisait ouvrir de grands yeux à Aimé. Elle n'aurait jamais cru que tant de perfections puissent se trouver réunies chez une seule femme. « Et votre mère, demanda-t-elle, danse-t-elle aussi sur la corde ?»« Ma mère a pour mission, répondit Sabin, de recevoir le prix des places à la porte du théâtre. » Puis, lorsque l'occasion s'en présente, elle tire les cartes et prédit le passé, le présent et l'avenir aux individus qui l'honorent de leur confiance. Mais tout cela sans préjudice de ses occupations domestiques, car c'est une remarquable ménagère, et vous saurez, jeune sauvage, que dans les jours de détresse, personne autant qu'elle n'est habile à trouver une gibelotte ou un civet dans la peau d'un angora. Et maintenant, reprit-il, après avoir gardé un instant le silence, afin de permettre à mes amis d'admirer à leur aise combien étaient précieusement doués tous les membres de sa respectable famille, maintenant que je vous ai si plaisamment édifié sur les miens, j'espère que vous m'accorderez assez de confiance pour venir déjeuner avec moi à l'hôtel de l'Éléphant d'Or, où je suis parfaitement connu et traité comme le fils de la maison. Faut-il beaucoup d'argent pour déjeuner à l'hôtel ? Demanda Aimé. Ne vous occupez pas de cela, j'en fais mon affaire. L'hôtel de l'Éléphant d'Or était une assez triste auberge, où s'arrêtaient les rouliers qui n'avaient pas assez d'argent pour se permettre de dîner au Cheval Noir. Un autre restaurant dont le maître avait des prétentions à la bonne cuisine et passait pour le Véfour de la localité. Lorsque mes amis, conduits par Sabin et suivis de Balthazar, pénétrèrent dans la grande salle de l'Éléphant d'Or, qui en était en même temps la cuisine, deux ou trois hommes en blouse et la casquette sur la tête déjeunaient gloutonnement le nez dans leur assiette et les coudes sur la table. De temps à autre, ils interpellaient la maîtresse de la maison ou la servante en disant d'une voix rauque « Hé, la bourgeoise, par ici !» Ou bien « La cuisinière, apportez-nous donc ceci, servez-nous donc cela !» Hé, la fille, cria comme les autres monsieur Sabin en s'asseyant à une table mal essuyée, « Venez un peu qu'on vous parle !» La fille obéit. « Tiens, c'est monsieur Sabin, Fidèle !» en découvrant par un large rire deux belles rangées de dents qui n'eussent point déshonoré la bouche d'un jeune poulain. « Oui, charmante Marie Thorne, c'est lui-même avec son jeune frère César et sa petite sœur Aimée, deux enfants fort aimables, que je vous engage à traiter de votre mieux. » César et Aimée, à qui la leçon avait été faite, ne démentirent point Sabin, et la servante crut ce qu'il lui dit. « Maintenant détaillez-nous la carte du jour, » demanda le jeune saltimbanque. « Du lapin ? Non, merci, trop connu. De la tête de veau ? Point de vinaigrette, j'ai mal dîné hier. Une omelette ? Pas assez substantielle. De la fricassée de poulet ? Trop bigueule. Ah, dame, c'est que vous êtes joliment difficile. Eh bien, des côtelettes de porc frais ? Bravo à la sauce Robert, c'est tout à fait grand genre. Combien vous faut-il de temps pour préparer cela ? Un quart d'heure. Allez, en attendant, donnez-nous pour nous faire prendre patience une miche, un cervelas et une bouteille de cacheté. » Au premier service, les choses allaient déjà très bien, mais au second, elles allèrent bien mieux encore. Monsieur Sabin, tout à fait en verve, était pétillant d'esprit. Il se livrait à tant d'aimables folies que la grosse servante s'écriait en se tordant de rire. « Est-il drôle, ce monsieur Sabin ? Mon Dieu, est-il drôle ?» Quant à mes amis, entraînés par l'exemple et aussi par un appétit féroce, ils avaient bu et mangé en un seul repas, plus qu'ils ne faisaient d'ordinaire en trois jours. Mais ces excès devaient leur coûter cher. Le quart d'heure de Rabelais arriva. Il fallut payer toute cette goinfrerie. « C'est 100 sous, dit la fille, en additionnant sur ses doigts. « 100 sous, fit monsieur Sabin, c'est un peu cher. Mais comme tout cela était bon et cuit à point, je ne te rabattrai rien. » Monsieur Sabin avait si bien déjeuné qu'il tutoyait la servante. « Paye César, dit-il. » César et Aimé étaient interdits à tel point qu'ils ne trouvèrent pas une objection à faire. Ce fut avec un tremblement de honte qu'ils dénouèrent le coin du mouchoir où était serrée la jolie pièce d'or de monsieur Richard. César la mit sur la table. Sabin s'en empara vivement. « Je croyais que c'était 10 francs, dit-il en la tournant et en la retournant. « Tiens, Marie Thorne !» fit-il en la présentant délicatement à la servante, qui refaisait son compte, toujours sur ses doigts, en disant 10 sous d'une part, 1 franc de l'autre, etc., etc. « Eh bien, c'est encore 25 centimes que vous me devez, ajouta-t-elle enfin. »« Bon, fit Sabin, ça passera comme cela. Non pas, il me faut mes 5 sous. » Sabin fit mine de chercher dans ses poches. « Je n'ai pas de monnaie, dit-il. Ta ta ta, mes 5 sous, tout de suite. » « Fais-nous crédit sur notre bonne mine. Non, j'aurais trop peur de perdre. » « Mal apprise. Allons, allons, mes 5 sous, ou je vais chercher les gendarmes. » À cette menace, mes pauvres amis s'empressèrent de donner leur dernière ressource qu'un moment, hélas, ils avaient cru pouvoir sauver du naufrage. Il n'y avait que 20 centimes. La fille hocha la tête. « Et pour moi, dit-elle. « Tiens, voilà, fit Sabin en l'embrassant bruyamment sur les 2 joues. » Elle s'enfuit en riant, et mes amis, cruellement désappointés, et le cœur plus gros qu'une montagne, sortirent tristement de la fatale auberge. Tout d'abord Sabin, qui paraissait enchanté de lui, roula une cigarette et la fuma délicatement, du bout des lèvres, en pirouettant sur ses talons, en prenant des poses toutes plus élégantes les unes que les autres, enfin en faisant le joli garçon. Puis après, il bourra sa grosse pipe et se mit à fumer sérieusement. Quant à mes amis, pour commencer, ils crurent tant ils avaient bien déjeuné qu'ils n'auraient plus jamais faim. Mais avant que 2 heures ne se fussent écoulées, les choses avaient changé d'aspect, et l'avenir leur apparaissait déjà plus dégagé d'illusions. Certes, ils ne songeaient point encore à dîner, mais ils marchaient piteusement côte à côte et pleuraient. Leur ami, M. Sabin, les voyait s'essuyer de temps en temps les yeux du revers de la main. « Ah, ça, leur dit-il enfin, vous êtes de singuliers personnages, vous autres. Que diable aurait supposé que vous aviez la digestion si lugubre? On vous fait déjeuner comme des princes, et au lieu de remercier les gens en vous montrant aimable, vous pleurez comme 2 imbéciles. « C'est nos 5 francs, dit naïvement Aimé. « Leurs 5 francs. À présent, il nous faudra mendier. « Peu. Dame, si nous ne trouvons pas d'ouvrage... »« Ah, ah, ah !» s'écria le gamin en se tordant de rire. « De l'ouvrage. C'est ça qui est joli, de l'ouvrage. Mais ils sont drôles au possible, ces petits sauvages. Criez si bon vous semble, mais mon frère et moi, nous voulons travailler. Laissez-moi donc tranquille, fit Sabin avec un geste d'épaule intraduisible. Puis reprenant son sérieux. Travaillez, dit-il, cela vous gâte les mains et vous prive de votre liberté. Travaillez comme des manœuvres, n'est-ce pas? Pour quelques méchantes pièces de monnaie, se mettre à la merci d'un individu qui se croit votre maître et vous traite en esclave. Pour gagner convenablement sa vie, je ne connais que 2 moyens, moi. Se faire artiste, comme nous autres, ou domestique dans des maisons où il n'y a rien à faire. Si le sort ne m'avait pas fait naître d'une honorable famille de comédiens, j'aurais brigué l'honneur de figurer derrière un de ces magnifiques carrosses qu'on voit passer à Paris monter l'avenue des Champs-Élysées au trot rapide de 4 superbes chevaux anglais, ou encore de passer mes journées paresseusement étendues sur les banquettes moelleuses d'une antichambre princière. C'est ça des positions, du galon sur toutes les coutures, comme un maréchal de France les jours de gala, ou bien habillé de noir et cravaté de blanc, comme un gentleman qui se rend au bal. Seulement, je n'aurais pas été assez bel homme. On ne veut que des beaux hommes pour remplir ces offices importants, ça se comprend. Quand on est riche et qu'on peut payer, c'est dommage, car j'aurais eu la vocation de toutes les qualités de l'emploi. Mais toi, César, qui me paraît destiné à devenir grand et fort, si tu m'en crois, c'est là que tu chercheras fortune, au lieu de t'abîmer le corps et l'âme pour nous nourrir misérablement, ta sœur et toi. À moins que tu ne préfères t'enrôler parmi nous et mener en notre compagnie une vie joyeuse et indépendante, une petite existence en dehors du monde, et qui nargue tout à la fois vos lois et vos gendarmes. Voilà, mon bonhomme, ce que tu feras si tu as pour 1 centime de jugement. Ne me parlez donc plus d'ouvrage. Travaillez, c'est bon pour des lourdeaux. Si je savais, fit César comme en se consultant, quoi? Que ce soit comme vous dites. Et pourquoi ne le serait-ce pas? C'est juste, et on vous donne de l'argent pour ça. Si on vous en donne, parbleu. Et Aimé, que deviendra-t-elle? Nous lui trouverons une place de femme de chambre. Que fait-on quand on est femme de chambre? Demanda Aimé. Ah, voilà, fit Sabin avec importance. Chez les bourgeoises, on est accablé de besogne. Chez les grandes dames, on ne fait rien. Rien du tout? Rien du tout. Et comme sa maîtresse, on porte des robes de soie et des chapeaux. Le tout est de bien choisir. Mon choix est fait. Je me placerai femme de chambre où il n'y a rien à faire. Cela, petite sauvage, prouve en faveur de ton intelligence. Mais, dit César, je ne suis pas encore grand. Et on ne prend que des beaux hommes. Si on ne prend que des beaux hommes, on ne voudra pas de moi. Tu peux en attendant faire un très joli groom. Qu'est-ce que cela? Quoi, jeune sauvage, tu ne sais pas ce que c'est qu'un groom? N'as-tu donc jamais vu un monsieur quelconque conduisant un grandissime cheval attelé à un tilbury si léger qu'il en paraît aérien? Si fait, j'ai vu cela. Et à côté de ce monsieur qui entasse plusieurs coussins sous lui, pour lui donner à penser qu'il est un homme superbe, n'as-tu jamais remarqué un enfant de ton âge assis 1 pied plus bas que son maître, afin de paraître encore plus petit qu'il n'est réellement? Oui, je sais. Eh bien, cet enfant, c'est un groom. Et qu'a-t-il à faire? Rien du tout, par exemple. Toujours dans les bonnes maisons qu'à se promener en tilbury avec son maître. Il me semble que tu peux t'acquitter de cela aussi bien que n'importe qui. Si ce n'est pas plus difficile que vous dites. Sans compter qu'on y gagne plus d'argent qu'à faire n'importe quel éclat. Ne rien faire et être bien nourri, bien logé, bien habillé et bien payé. Est-ce assez joli, hein? Mais comment pourrais-je me placer groom? Laisse-moi faire, je te procurerai cela. Sur notre route se trouve le château de Rochemoussu, qui appartient au prince de Rochemoussu. J'y suis parfaitement connu. Le prince, qui est le meilleur et le plus généreux des princes, me protège et fait tout ce qu'il peut pour m'obliger. Je lui parlerai, et la chose s'arrangera tout de suite. En attendant, pour vous récompenser d'être si sage, je vais m'occuper de vous gagner un bon dîner et un bon gîte.